rap est un cri de guerre, dangereuse vipère. Pour ceux qui roulent sans mi-père, dos au mur comme Sprinter. Je réitère mes propos, mon rap pue la rue, le bitume, le vécu comme d'habitude. Mon rap transpire la rage que mes veines véhiculent, que ma bouche articule mon rap. Mon rap est collé à la rue, mon rap est véridique, mon rap est authentique. J'rappe pour ma tribu libre, sans matricule, sans matraque, sans ifu, sans travaux d'Hercule, sans rien. J'rappe pour mes refrains, enfermés, prévenus, détenus, on pense à vous, vous serez bienvenus. J'rappe pour tous ceux qui n'ont rien, les hommes en chien, les hommes en bas de l'échelle. Tiens, mon rap t'appartient. J'rappe pour tous ceux qui s'accrochent à la vie comme ils peuvent sans se plaindre, ceux qui vivent avec le moins. Mon rap est une apologie à l'espoir, à la vie, stopper les ogives, y'a du sang qui gicle. On a tout niqué depuis qu'on s'est divisé pour mieux régner, pour se saigner, mon rap, mon rap, mon rap, mon rap, oh, oh, oh, oh, oh. Mon rap est un cri de peine, un cri de haine, un SOS, une bouée dans l'océan. Mon rap est mon mirador, mon arche de Noé. À la rue et vers l'or, on est mille à bord, trop de crocs veulent mordre. Mon rap est mon reflet, mon miroir, mon visage, mon image, l'écume de mon sillage. Mon rap est ma muraille, si ça mitraille. Mon rap c'est mon cocon, c'est ma bulle. J'rappe avec les tripes, l'estomac et surtout le cœur. Laisse-moi te confier mes joies et mes pleurs. Découvre à travers ma musique, mes lyrics, une partie de moi-même, les battements de mon cœur, mon cœur. J'rappe pour tous ceux qu'apprécient réellement le hip-hop, l'authentique, l'art de la rue, le vrai. J'rappe pour toi, pour moi, pour lui, pour elle, qui reconnaissent leur vie dans mes consoles, mes voyelles. J'te donne mes pensées les plus profondes, les plus secrètes, les plus intimes. La France m'a tué, la fresque est bafouée. La France m'a tué, il me reste mon rap, mon rap, mon rap, mon rap, mon rap, mon rap. Oh, oh, oh. Mon rap est un cri de rage, un cri dans l'espace. J'ai pris le large, j'ai entendu le glas. Mon rap est mon monde à moi, la traduction de mes pensées, de mes émois, de mes ébats. Mon rap et moi, on part se battre jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Mon rap, apôtrage.